Parce que même moi, quand j'étais en France, j'envoyais l'argent pour la Guinée. Donc même étant en France, tu envoies l'argent ici en Côte d'Ivoire, ici au Gabon, tu donnes la dîme. Oui, le principe c'était quoi? Quand même le pays prend le salaire, elle m'envoie une partie. Et bon, donc, j'ai dit, elle enlève l'argent de la dîme et pour elle est pour moi. Puis elle m'envoie. Après un moment, elle aurait, quand je commençais à sortir ensemble, après elle dit, bon, moi je ne donne plus ça. Mais mon argent là, envoie totalement ici. J'ai dit, envoie ici ou pas envoie à l'enfant qui est au Ghana, parce que Gauthier était au Ghana. Oui. J'ai dit, bon, augmente l'argent pour la fille qui est au Ghana. Oui. Parce que bon, ça ne sert à rien de marcher. Ou bien, après moi, j'ai dit, écoute, essaie de voir, et ça me fait me rire. Essaie de voir les gens qui sont dans le besoin. Oui. Dans ta famille, là-bas, tu leur donnes. Tu leur donnes. Parce que ne donne plus l'argent. Elle aussi, elle a compris. Et donc, quand elle a fait ça, en fait, le premier truc que j'ai encore touché, c'est que elle, pendant qu'on donne la vie, elle va à mon compte. Elle va trouver une somme d'argent. Elle m'appelle pour dire que il y a une somme d'argent, c'est là. Ce que tu as. Et moi, je vais rien faire. Mais tu me dis, oh, j'ai trouvé plus de 700 000 francs dans ton compte. Oui. Et vous dites, tenez, d'où ça sortait? D'où ça sortait? Je dis, mais c'est qui quoi? Regarde, va prendre le bulletin blanc pour vérifier. Elle est partie dans le bulletin blanc pour vérifier. Et puis l'expression mise dans le bulletin blanc, c'est que si c'est quoi. Un truc à tuer un peu à l'échange, je ne sais pas. J'ai dit, écoute, mon cher, moi je ne sais pas si c'est le trésor qui a envoyé, c'est que ce n'est pas de l'argent volé. Il faut prendre ça, on va utiliser. Oui. Il faut prendre ça, on va utiliser, puisque, en fait, moi je crois que c'était peut-être que la banque a fait une erreur, parce que si la banque fait une erreur là, oui. Ils vont retirer un peu. Tu aurais des problèmes. Il dit, mais si c'est le trésor là, ne t'amène pas, on va utiliser. Donc j'ai dit, arrête, n'envoie plus. Et donc, comme ça, on commence à suivre tous ces enseignements-là, sur le mariage, sur tous les thèmes qui fâchent là, quoi. Voilà, essayer de suivre ça. Les thèmes qui fâchent. Oui, essayer de suivre ça et avoir des points de vue un peu carrés déjà, quoi. Oui. Donc, tu les dis même plus carré, on a dit, bon, on ne donne pas, c'est bon, on a compris. Et les pasteurs ne sont pas fâchés. Bon, puisqu'on s'est déjà retiré, parce qu'on me dit que, ne parle plus là-bas. Elle dit effectivement ça m'arrange parce que je n'avais même plus le temps d'être pour les enfants. Il faut partir avoir mercredi, jeudi, vendredi, le temps de revenir et tout ça, vraiment ça l'occupait trop quoi. Et si les enfants disent, tu as vu, ne parle plus. Si tu veux pas rester comme ça, pars au moins le dimanche sur le banc, mais vraiment arrête le programme de lundi, mardi, mercredi, sans. Ça fait le temps qu'on vous occupe tellement que vous n'avez pas le temps pour votre propre vie. À 100%, vous n'avez pas le temps pour votre propre vie. J'ai dit ok. Elle dit qu'elle a compris. Alors moi, finalement, je continue à faire mes recherches, à suivre les enseignements. Et puis après, je rentre. Quand je rentre, comme tout était déjà dans la logique de l'enseignement du frère. Voilà. Donc, ils ont fait, avant de rentrer, ils ont fait, une action de grâce à Sarcelles. Donc, je quitte Marseille pour partir à Sarcelles. Je suis et tout ça là. Enseignement, après je suis rentré. Maintenant, quand je suis rentré, ici, là, de frontière, moi, je dis, oh, écoute, ce que soit de ce là, on ne parle plus. Maintenant, on m'a dit qu'il y a des gars, il y a des frères qui partagent la parole, qui doivent aller partager la parole à voter. On va chercher où ils sont. Donc, les gars, les amis en France, alors, m'ont donné les coordonnées, des frères ici, là. J'ai appelé les frères, ils m'ont dit, mon père, j'ai dit, j'habite au Vendo. Il dit, justement, dans le Vendo, dans ton rocher là-bas, il y a une cellule. Et donc, il n'y a pas de problème. Je suis d'abord resté peut-être 5 ou 6 mois sans contacter les gars. Après, j'ai contacté, ils vont monter la cellule. La cellule n'est pas loin d'ici, quelque part. J'ai dit, oh donc, ça nous arrange. Et on partait maintenant là-bas le dimanche, avec ma femme et enfin, tout le monde est parti là-bas. C'est là où j'ai rencontré le frère Ducro, Eric. Voilà. Donc, on était là-bas, on persévérait là-bas. Mais ces choses-là, c'est que quand on enseigne, que tu as déjà une compréhension de certains passages du livre, oui. Tant que les gens ne font pas ça, c'est-à-dire que c'est comme si tu contribuais à leur péché. Oui. C'est ce que tu vois. Donc, il y a des choses qui n'étaient pas vraiment

débrouille-toi, aller prendre les anciens malades pour savoir combien ça fait, le travail, le transport et tout, et tout. On va voir comment faire, mais le plus important, c'est qu'il vient. Si on dit qu'il vient, on aura gagné. Tout le monde aura gagné. Tout le monde aura gagné. Donc vous combinez derrière moi, quoi. Voilà, tout le monde aura gagné. Donc le gars, lui, Fabien est expéditif. Oui, il allait de facto aller faire ça. Il est parti. Oui. Il est parti pour les enseignements, tout ce qui est. Peut-être quelques jours après, comme ils sont venus, ils vont passer dans un autre jeune. Oui. Parce que eux, c'est un travail, c'est les jeunes, tout le monde. Oui. Donc, il y a un jour, c'est un jour, les jours d'après, il vient, parti. Il est parti pour les enseignements, et puis il vient nous voir, il dit, bon, c'est bon, voilà. Parce qu'il est montant, tralala, tralala, et tout. Donc, que ça passe, on peut régler. Maintenant, on va seulement de savoir exactement dans quel période il peut nous caler ça à ce moment-là. Oui. On lance l'opération. Oui. Et c'est comme ça qu'on a managé ça, voilà quoi. Mais sincèrement, sans cacher, je ne sais pas parce que tu es là. Ça, Dieu m'entend parler. Quand je te parle, j'ai même les frissons parce que c'est une grâce. Amen. C'est une grâce parce que les enseignements là nous édifient comme tu ne peux pas savoir. Tu vois donc que tu as eu la bonne pensée parce que tu pouvais venir au Cameroun. Oui. Mais ce sera profitable pour toi. Oui. Depuis que nous sommes ici, combien de personnes ont été bénies? Oui. Combien? Beaucoup. Combien de personnes ont été bénies? Mais le fait là, le fait de moi. Oui. Parce que quand tu me parles un peu du voyage, oui. Il parle du voyage. Oui. Moi je dis, bon, en fait, c'est que tu fais le voyage. Oui. C'est ceux qui reçoivent le frère Junior qui en bénéficie. Oui. Voilà ma pensée. Oui. J'ai dit au frère, bon, quand je vois qu'il m'a appelé. Oui. C'est peut-être qu'il va mettre un peu les pattes devant. Les pattes devant. Moi, oui. Plutôt que le frère vienne habiter chez toi. Oui. Parce qu'il fallait d'abord chez la maison. Oui. Pour dire, c'est chez qui? Oui. Chez qui? Oui. Bon, maintenant, on a un complexe. Bon, moi, j'ai un complexe. Oui. Bon, on va inviter quelqu'un. Oui. Il faut quand même chercher une petite maison qui est un peu de. Des hauts standing. Voilà, des hauts standing, pour pas venir habiter dans nos montagnes, là-bas, en disant conseil. Bon, j'ai dit, bon, que faire. Je ne suis pas compliqué. En fait, ça, c'est la pensée. Est-ce que c'est compliqué? Non, en fait, c'est ça qu'il a dit. En fait, c'était pas juste. Le fait d'être compliqué, quoi. Oui. Mais c'est aussi le fait de recevoir quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mm-hmm. Il fallait un peu de cette condition. Oui. Alors, j'ai dit au frère Fulbert, bon, moi, je te propose une chose, c'est que si tu reçois le frère chez toi, soyons sûr que tu vas en bénéficier. Oui. C'était le gagnant. Il est là, il est témoin. Tu vois, tu es tellement béni. Oui. Il est là. Il dit non, fini le voyage. Moi, j'ai envie de prendre l'enseignement. Oui. J'ai viens qu'après l'enseignement. Et le frère va dormir chez toi. En fait, va ce qui s'est passé. En grosso modo, quoi. Oui. Il m'a dit, bon, ok, pas de souci. Bon, va en ville, prends les renseignements, après tu reviens. Oui. Je m'en vais en ville. Oui. Je prends des renseignements. Parce que nous, on jeûne chaque week-end. C'est-à-dire 3 jours par semaine. Parce qu'il dit, bon, comme c'est comme ça, c'est mieux qu'on jeûne. Il était là, j'ai dit, bon, comment je m'en vais? Il m'a dit, bon, ok, comme c'est comme ça, parce que je veux jeûner 3 jours. Oui. Il est là. Donc, moi, je suis parti. J'ai pris renseignements, il dit, là, je suis revenu. Il vient me dire, bon, après, comment pour faire venir? Il dit, bon, en tout cas, les papiers sont finis. On est là, bon, frère Junior. Oui. Ce sont tes écrits. Oui. C'était que rapide. Oui. Parce qu'on n'a pas préparé. Oui. On n'avait pas pensé à ça. Oui. En fait, elle dit, ça vient. Et il a dit à moi là, c'est une grâce. Amen. Pourquoi? Lui, il écoute les enseignements. Quand c'est le vrai Dieu, il écoute avant moi. Oui. En fait, on peut écouter les enseignements. Il peut écouter l'enseignement avant lui. Oui. Ou alors il peut écouter l'enseignement avant moi. Mais en fait, il y a une petite différence entre mon frère et moi. Oui. Et vraiment, c'était peut-être ça, moi, je faisais le péché pour parler de mon côté. Oui. Parce que moi, je ne supporte pas certaines choses. Oui. On peut lui écouter l'enseignement tout celui-là. Oui. Il assimile. Il assimile les concepts. Tu vois, mais comment je écoute l'enseignement qui m'a vraiment bastonné, aussitôt j'ai donné dit, j'ai écouté l'enseignement, c'est un peu de l'écouter. Elle m'a dit, mais c'est quel enseignement? Mais tu vois, mais peut-être même 3 jours, 4 jours avant, quand tu as écouté l'enseignement, peut-être 5 jours après, elle m'a dit, j'avais écouté l'enseignement là. Oui. Ma santé m'a bastonné, pourquoi? C'est un peu d'écouter, tout ça. Donc tu vois, donc quand c'est comme ça, on écoute l'enseignement. Quand tu l'as pensé à moi le plus tôt possible, on donne. Quand il pense à lui le plus tôt possible, on se partage l'enseignement. Mais qu'est-ce qui se passe autour là? J'entre en jeu. J'ai dit, bon, comme les jeux ordinaires, je sais qu'on peut faire un petit bricole à gauche, je suis dans la souffrance, donc pour moi j'ai envie de sortir de la souffrance. Oui. Donc c'est un petit bricole, il faut que je fasse plutôt pour avoir un peu les sous. Oui. J'entre alors dans un jeu. Oui. J'ai dit, bon, comme il y a 3 jours de jeu, chez moi il y a tellement de bruit. Oui. Je vais aller chez un frère, je l'ai mis comme je lui ai dit, essaie de venir, on ne sait jamais. Oui. On m'avait chez lui. Quand il sort, de sa chambre, il me trouve assis au salon qu'elle écoutait les enseignements. Oui. Il me dit, mais mon frère, tu as des plus batteries, je suis là, tu fais quoi? Je suis en train d'écouter les enseignements. Il se marie. Oui. Il dit, oh mon frère, tu es devenu chrétien. Il dit, ah, c'est moi. pas qu'il se moque, après il est stupide. Oui. Que quelqu'un qui n'était pas chrétien hier, lui est chrétien. Oui. Alors j'ai pris les enseignements. J'ai pris les enseignements. Mais entre temps, j'ai programmé l'enseignement. Oui. Le monde spirituel d'arrêter de Satan. Oui. Là, c'est l'enseignement qui faisait 10 parties. Oui. Il avait écouté ça. L'arrêté du monde spirituel de Satan. Satan. Mm-hmm. Ça faisait 10 parties. Lui, il avait écouté ça. Oui. Mais le gars avait été traumatisé. Elle a dit oui. Ça t'a dérangé. En fait, en un mot, c'est quoi? Oui. Il écoute l'enseignement, mais il n'exprime pas réellement la pensée, ce qu'il a ressenti. Oui. Mais il est subjugué. Oui. En fait, c'est comme si une femme l'a séduit, et du coup, il est devenu fou, quoi. Oui. Il dit merde. L'enseignement l'a saoulé. Voilà, il dit merde. Si tu prends l'enseignement, la merde. Enfin, il ne me dit pas réellement ce qu'il a l'enseignement. Oui. Là, maintenant, tu prends l'engagement pendant le jeûne d'écouter aussi. Je suis dans le jeûne. Oui. Je m'assure du matin jusqu'au soir. Oui. Et lui, c'est parti là pour écouter pour les enseignements. Oui. Première partie, les bases sont posées. Deuxième partie, témoignage, le musulman. Oui. Celui qui parle en bordure des mers. Celui qui parle en bordure avec la femme. Mais là encore, j'ai ri encore. Oui. En fait, c'est pas ça le problème avec moi. Oui. Parce que quand j'écris un témoignage, dans les dernières années, en fait, moi, ça me fait trop rire. Quoi. Mm. Et bon, ok, ils ont subi ça, comment ça pouvait se passer comme ça. Mm. Troisième partie. La deuxième partie, je sens que là, c'est pas un livre. Mais écoutez, l'enseignement, il y a une fois qui me dit, écoute au frère Junior, explique-lui toute la sélection de tout ce que tu as vécu dans ça. Une fois, il me dit, écoute, c'est la fille qui est partie en France. Demain, il peut écouter un peu cet enseignement-là. Je dis, bon, il n'y a pas de souci. Puisque là-bas, on voit un musulman qui peut invoquer les esprits. Qui peut invoquer les esprits. On parle indirectement de l'islam là-bas. Voilà, de l'islam. Oui. Moi, je me disais que si elle écoute ça, elle va savoir dans quel bout elle s'est mise. Parce que sinon, c'était encore l'intérieur ou pas. Oui. Mais c'est quand même que si elle écoutait ça, elle a quand même imaginé où j'étais là-bas, c'était quand même feu. Oui. J'écoute l'enseignement. C'est-à-dire que c'est malin. Mais il y a une partie là, entre la quatrième et la cinquième partie qui ne passait pas. Oui. C'est-à-dire que c'est comme 55, mais après ça se coupe. Oui. Mais en réalité, ça faisait 2 heures. Oui. Ça se coupe. Je dis, bon, qu'il y a pas de souci, pense à la prochaine partie. Oui. Puis il y a un témoignage maintenant. Le témoignage du monstre qui vient. Tu sais, peut-être ça fait plus fait fidèle. Le monstre, c'est la réalité du monstre spirituel de Satan. C'est 10 parties. C'est 10 parties. Mais c'est vraiment intense. Donc, à l'intérieur, le monsieur a dit quand il avait 11 ans, il avait 7 ans, sa petite tante, petit petit corps, la même maison, ça s'est touché parce que voilà, voilà. Le témoin des sexuels. Sexuel, c'est touché. Le conseil dit, mais ça c'est moi ça. Ça c'est moi ça. Oui. C'est quand tu es petit. Au fait, on a grandi dans des maisons où il n'y avait pas de temps, il n'y avait pas de cousin, de cousine, non, c'était tous frères. D'ailleurs, on ne disait pas que là c'est mon cousin, là c'est ma cousine. En fait, le mot c'était nous sommes tous les frères. Nous sommes tous sœurs. Mm-hmm. Et elle n'a pas dit, là c'est ma cousine, donc j'écoute. Je me rends compte qu'à l'intérieur, quand on était petit, on faisait la même chose. Oui. Je bougeais papa et maman, pour vous embrasser entre cousins et cousines, les conseils qu'on sort. Je dis, mais ça c'est quelle histoire. Je me rappelle que j'étais même petit, puisque ma grand-mère commençait à grandir un peu. Je commençais à aimer un peu les hommes. Donc du coup, peut-être quand elle se lave, tu rentres dans la chambre, tu sais pas qu'elle est déshabillée. Après tu vois comment elle est nue. Donc peut-être elle m'a permis quand c'est un débat, on dit que c'est entre toi et elle, tu es écouté, tu n'as même pas honte, tu as les fonds de thèse, machin. Mais tu es petit, mais tu ne sais pas que tu es dans le péché déjà parce que tu as vu ta soeur nue. Parce que tu as dit telle ou telle chose. Mais quand la personne explique, c'est là où tu vois que c'est ta vie qui rapporte. C'est ma vie qui est à l'intérieur. Et quand tu viens à l'intérieur, tu dis, est-ce que tu vois ce que Satan fait? Quand tu es traumatisé, tu dis, j'étais où? J'étais effectivement où? Ça continue. Donc le frère dit, mais écoutez, ça l'a traumatisé, il est resté calme dans voilà, son corps. Voilà, il m'a dit, ça comme ça. Oui. En fait, il y a ce que je m'ai un peu dit. Elle dit, en fait, c'était un peu vraiment un peu scandalisant. Oui. J'ai vraiment pas mis les ici. Mm-hmm. Mais après, tu continues quand même écouter en ce moment. Oui. Tu continues. Et toi, témoignage. Mm-hmm. Puis, celui qui est parti en Belgique. Oui. Il avait fait la promesse de mariage à l'autre. À l'autre. Mm-hmm. Il dit, quand je vais revenir, je vais t'épouser. Attends-moi, c'est toi que j'ai mes conseils qu'on sort. Mm-hmm. Là encore, je suis dépassé. C'est encore ton problème. Et c'est que là, c'est la mort. Pourquoi? Parce que quand la terre dit que j'étais là, c'est pas si c'est mon ou pas. Il m'a dit ça en termes de Dieu. Oui. Et puis que je viens là, il m'a dit, c'est toi ce qu'il va faire là-bas, comme tu veux. Moi, je l'ai vu, fais qu'il me dise son chemin, fais comme tu veux. Mm-hmm. Il dit, bon, ok. Mm-hmm. Très fidèle, c'est pas la blague. Oui, c'est pas vraiment la blague. C'était catastrophique. Mmh. Alors, c'est terrible. Le gars témoigne que quand il témoigne quand même de voyager pour la Belgique, il a fait la promesse à sa femme. Et quand je vais revenir, je vais t'épouser. Moi, j'ai connu ceux qui partaient en France là. Mmh. Pour moi, c'était plus stable. Mmh. Pour moi, c'était ma femme. Mmh. C'est-à-dire, le mot plus stable, ne connaissait pas ça. Mmh. J'ai dit, tu es mon plus stable. Non, non, non. C'était vraiment la paix du couple. Mmh. Quand tu manges, mais c'était vraiment la paix du couple. Mmh. Puisqu'on faisait les mêmes études, le même diplôme. Donc, du coup, on avait les mêmes projets. Mmh. Je demande les mêmes projets. Mêmes aspirations. Voilà. Quand on va travailler, on va faire ça. Quand on va faire ça. Quand on va faire ça. Mais quand tu rentres à la maison, parce que je me posais. Parce que tes parents vont m'aimer. Parce qu'il n'était pas du genre de fille que tu ne peux pas apprécier la première vue. Oui. Tu vois, tu as dit, c'est pas du genre de fille quand tu as un voisin, le mec. En fait, vraiment, il faut. On va dire quoi? Il faut peut-être aller la fille peut-être 3 ou 4 fois. Oui. Il m'a dit qu'elle est belle. Mais quand tu vas voir son corps, elle est belle vraiment de visage. Oui. Vraiment, mais elle a un petit corps. Oui. Donc, tu peux l'accompagner, tu es mec. Oui. Mais quand elle est montée ensemble, il y avait des petites promesses. Un projet que c'est que tu peux pas m'aimer et Dieu dit toujours, ce n'est pas mettre, c'est pas mettre que tu es épousé. C'est moi que tu as aimé. Donc même sans m'insulte, même sans me critique, moi je t'aime, toi tu es ma femme. En fait, elle a vraiment une assurance, une confiance. Après quand elle le fait du métier, elle s'est mise derrière moi. Oui. Parce qu'elle ne veut pas que le fait que tu es maigre, tu as finalement pas vu une telle fille comme ça là et qu'on sort. Oui. Et pourtant moi c'était. C'est l'amour. C'était vraiment. Tu ne voyais pas ses défauts là. En fait, c'était, tu ne considérais pas ça comme un défaut. Voilà. Non, moi c'était pas les défauts. Oui. En fait pour moi le cœur avait dit c'est elle. Oui. Parce que tu t'imagines que tu es dans un lycée. Oui. Tu es dans un lycée. C'est vrai que c'est là chez nous, tu es celui-là, il y a tellement de secondes. Oui. Il y a tellement de premières. Oui. Il y a tellement de terminales. Oui. Ah c'est un site. Le site STT. Mmh. Tu vas dans une piscine qu'on appelle STI. Mmh. C'est dans un même lycée. Oui. Et bon aussi, il y a des filles. Oui. Tu quittes tout ce site-là. Il y a encore une piscine qu'on appelle là-bas. L'industrie, oui, t'as dit pour la chevelure et qu'on sort, voilà, t'as dit, et c'est une formation presque à peine. Donc tu fais tellement de filles, mais mon cœur a damé sur elle la première fois que je l'ai vu. Oui, donc tu t'imagines un peu, t'as dit, tu vois la fille pour la première fois, et tu l'as aimé, et là elle voyage pour la France, et tu en as écouté le témoignage, la personne raconte une chose qui est exactement ce que tu dis, exactement ce que moi j'avais fait, oui. Et ce que tu as dit, c'est quoi? Parce que tu as fait des petites promesses. Oui. Quand tu vas revenir, voilà, voilà, voilà, voilà. Mais, ce qui m'a marqué dans le témoignage, c'est l'émotion en question qui fait le témoignage. Oui. Quand tu dis que tu es parti, tu as fait la promesse à la fille, oui, et elle vient t'épouser. Oui. La fille m'a fait les mêmes promesses. Oui. Mais ce qui m'a fait le plus peur, oui, dans ça, c'est le fait que la nuit, la fille voyage. Une fois, j'étais vraiment démissionné. Oui. J'ai dit, bon, ma femme, en train de partir, je vais faire comment? Le voyage, je l'ai raté. Oui. Puisque j'avais un voyage en cours que je préparais, oui, je l'ai raté. Donc, j'étais vraiment traumatisé à cette époque-là. Oui. Alors, je m'apprête à retourner. Oui. Elle est devant son portail. Oui. Puis, elle me dit une chose. Est-ce que tu penses à me donner un dernier baiser? Oui. Je reviens vers la fille. Oui. Ma tiens, quand le passé, ça pour ma femme, je dis. Ta femme en ce moment-là. À ce moment-là. Puis elle me dit une chose. Sache que tu es le seul. Sache que tu es le seul pour ma vie qui fait ma vie. Oui. Il n'y a personne pour toi que j'ai trouvé. Donc, sache que je t'aime. On m'en va en France, on va se battre. On y va arriver. Donc, tu vois, déjà, il y a un lien. Oui. Il y a un sémant que tu peux dire de faire là. Oui. Et de mon côté aussi, je ne peux pas dire non. Puisque c'est à quelle vie que j'ai fait. J'ai dit, bon, ok. Après, je fais ça, sache que moi aussi, je t'aime. Donc. Oui. Quand il a dit ça, et c'est que je commençais à subir depuis que tu es arrivé en France. Oui. Tu as dit, tu écris, ce sont mes injures. Oui. Tu écris, c'était pour te dire, fous-moi le camp. Et tu as dit, ah, pour moi, c'est terminé. Alors qu'elle avait fait le sémon. Alors qu'elle avait fait le sémon. Donc tu vois, du coup, je reviens dans ça. C'est que la fois que je viens, c'est le fait que j'ai essayé de démettre tellement de filles. Oui. Mais à chaque fois, une voix qui me disait, laisse cette fille-là, ta femme arrive. Oui. C'est pas parce qu'avant j'étais pas connu en Christ. Oui. C'est-à-dire, comme je suis aujourd'hui là, de dans les jeunes et qu'on sort. Oui. Mais il y a un peu qui me dit, laisse cette fille-là, ta femme arrive. Oui. Que j'ignore. T'as écrit l'enseignement là. Oui. En fait, quand il parle, pour lui c'était devenu un jeu. Puisque devant toi, c'est que c'est ceci, je suis possédé, moi tout ça, pour moi, c'est délivré. Mais moi qui ai pris l'enseignement à distance, c'est que j'ai fait quelque chose de ce genre-là. Oui. J'ai fait comment? La peur s'installe dans le vent. J'ai dit bon ok, il y a d'abord eu l'insecte avec les soeurs et les cousines. Et passé encore un autre cas encore. Voilà encore un deuxième cas qui vient d'arriver. J'ai fait comment Mais je vous pose une question. Qu'est-ce que vous retenez avec ces enseignements? Vous écoutez les enseignements, mais vous ne voyez pas la personne. Qu'est-ce qui vous retient dans ces enseignements? Quand vous écoutez ça, vous... Oui, Fred, vous voulez parler. Ça peut terminer. Oui. Donc, tu vois, quand tu as la parole, là, oui. Là, c'est celui qui veut le témoignage. Oui. Témoignage. Le monsieur commence à témoigner maintenant. Oui. Ton frère, ton beau-frère, oui. Comment t'as témoigné? Qui a été catholique, ainsi de suite, dans voilà. Les deux. Voilà. C'est pas ce qui m'avait intéressé le plus dans son témoignage. En fait, c'était vraiment émouvant. Oui. Mais comment tu as pu subir de telles choses? Oui. De son jeune âge, et conseil. Mais c'est au départ. Oui. Quand il parle du Bénin, il était Bénin consort. Oui. Il implique maintenant le quartier. Oui. Au quartier, il y avait deux mangués. Oui. Deux mangués qui se battaient la nuit, entre là-bas. Et du coup, il avait les pouvoirs. Oui. Il y avait une femme qui était au quartier qui embêtait. Oui. Avec le bois. Avec le bois et consort. Et justement, quand il y a des quartiers, quand tu habites, ou le quartier j'habitais quand tu es petit, il y en avait tellement de cafards dans la douche, oui. dans le WC. Oui. Donc tu t'imagines que quand tu vas te laver la nuit, oui. Et quand tu vas te laver la nuit, oui. Justement, oui. Tu les vas sortir des trous, oui. des différentes machines là, quoi. Oui. Après il te dit c'était, après il te dit, juste parce que les deux âmes, les deux maris qui disaient qu'il ne fallait pas tuer les deux bois, parce que ces deux bois nous amènent encore des âmes. Oui. Là après j'ai dit quoi? Là où j'ai grandi, est-ce que je n'ai plus été enterré dans ces choses-là. Mmh. Donc c'est la peur m'attrape. Mmh. La peur au frère, c'est que j'ai écouté l'enseignement. Oui. Moi, je me suis dépassé. Oui. Mais la vraiment demandé d'écrire au frère, j'ignore. Oui. En fait, maintenant, c'est maintenant, moi, c'était beaucoup plus l'impact sur le lien avec ma femme à cette époque-là. Oui. Et est-ce qu'elle et moi n'a pas fait une alliance? Mmh. Est-ce que les mondes ne sont pas collés? Mmh. Donc au fait de du coup tout ce qui venait à moi. Dans le passé, laisse la femme arrive, laisse la fille là, ma sœur c'est là. En fait, elle dit c'était la même voix qui venait à chaque fois. Oui. Laisse la fille là, ta femme arrive. Laisse la fille là. En fait, elle dit j'étais traumatisé. Quand j'étais peint par le frère Zimiki, elle dit non, le frère, je n'aime pas ça. N'aime pas que tu le laisses, ce qu'il t'a dit. Parce que si tu le laisses, ce qu'il t'a dit, qu'est-ce qu'il va encore découvrir en toi. Je l'ai écouté, elle dit moi, c'est ce que la voix m'a dit que je vais faire. Le matin, je me réveille. Parce que c'était la suite de l'intimité avec Dieu. Oui. Donc, les enseignements sur l'intimité avec trois enseignements. Trois enseignements. Donc on avait commencé à se lever à 5h du matin. Mm-hmm. On commençait à chanter le mélange à 5h du matin. On commençait à prier à 5h du matin. Oui. On commençait à prier à 5h du matin pour lui, moi, pour voir ce que si on pouvait méditer. Oui. Donc, par contre, c'était pas dur. Oui. C'était pas vraiment dur. Quand le matin arrive, c'est le sommeil très intense. J'essaie de faire comme deux ou trois fois. Chaque fois que je me lève, je me couche encore, le Seigneur va comprendre. Je dis, Seigneur, te rends grâce. Je dors. Le Seigneur te rend grâce, je dors. Peut-être trois ou quatre fois. Mais on j'étais chez lui. C'est pas si c'était en route pour chez lui ou de retour, c'est pour où j'étais. La voix m'a dit, tu n'as même pas honte. J'étais fort pour te lever à 5h du matin pour aller se lever les casiers de bière sur Brava, aller au brasserie. Pour aller faire quoi? Pour aller se lever les casiers de bière au brasserie. Pour avoir les jobs. Pour avoir les jobs. Mais tu pouvais te lever à 5h du matin pour méditer la parole. C'est ce que la voix m'a dit. Tu es incapable. Tu étais fort pour aller se lever les casiers au brasserie. En fait, c'était comme ça. Tu as eu honte. J'ai eu honte. C'était vraiment ça. Le lendemain, même si c'est le sommeil, je me lève comme un militaire. Je sors de la maison, je m'en vais de la maison au palmier, je me mets à chanter là-bas un peu les louanges pour que je ne m'aille pas. Oui. Puis je suis je mets au sol, j'ai pris, j'ai dit Seigneur, après je retourne dans la chambre, je continue à dormir. Oui. Donc j'avais deux réveils, un réveil de 5h et un réveil de 6h. Oui. Mes frères, le matin je me réveille, je chante des louanges. Oui. Et quand le téléphone, j'appuie l'audio. Oui. Il dit la voix m'a dit, écris. Oui. Laisse-moi voir l'audio comme ça. Il dit, en tout cas, frère, j'ai écouté l'enseignement, la voix m'a dit. Écris. Tu t'appelles là, tu t'appelles le bloodio. Avant, m'a dit écris au frère Junior. Voilà, j'ai un peu en d'autres lignes. J'ai envoyé le message. C'était la peur là. Donc, quand le frère est venu là, il m'a dit on fait comment qui vient. On fait comment qu'il vienne. Quand il m'a seulement dit, parce qu'à cette époque là, les prix étaient déjà respectés. Je me lève à 5h, j'ai pris. 14h. C'est-à-dire quand c'était 12h, j'ai pris. Quand c'était 18h, j'ai pris. 22h, j'ai pris. J'avais aligné des paramètres de prière. C'est-à-dire je veux prier jusqu'à ce que Junior vienne. Ça n'a même pas fait un mois, deux semaines. Tu me dis, on t'a offert Fulbert. Quand tu m'appelles, il me dit, ah mon petit, on fait comment? Quand tu m'as demandé, il ne faut pas t'inquiéter. Moi, je prends tout en main.

C'est de l'enfance. Donc tu as dit qu'on garde bon, l'enfance. Il reste avec moi, il finit avec moi, il finit avec moi. En fait, moi, c'est comme ça que j'ai pensé. Oui, que l'esprit n'entre pas dans ton enfant. Ouais. Il a commencé, moi, il finit. Oui. Il finit avec moi. Mm. Bon, c'est comme ça. J'étais dans l'église en écoutant. Mais je me trouvais confronté à chaque fois à cette barrière-là. Du coup, après, je m'ai à trembler. Oui. Et c'est comme ça que j'ai demandé dans mes prières, Seigneur, vraiment. Parce que alors, je ne voyais plus les choses pareilles. J'ai regardé mon frère, mon enfant se bat, mais parfois, il par là. Mais il y a des choses plus graves. Voilà, nous-mêmes, on se bat là, même d'abord, des problèmes. Oui. J'ai regardé encore la famille, j'ai regardé. Il faut laisser Kakou, j'ai regardé le passé, j'ai regardé là. Pour résoudre d'autres gros problèmes. Bon, c'est vrai, je vois mon petit frère, j'ai dit non, vraiment, là-bas, mon petit. Je l'ai donné une grâce que je ne sais pas. Oh non, mais mon petit n'a pas voulu entrer dans le jeu là. Lui s'est mis à côté. J'ai compté, plus ou moins à écouter. Alors que c'est lui qui a voulu te donner le Dieu. C'est lui qui m'a donné le Dieu. Et c'est même lui qui m'avait dit que c'était intéressant. Il a dit que c'était intéressant. Tu lui viens lui dire qu'effectivement c'est intéressant. Il dit que non, continue. Que ça soit intéressant pour toi. Donc c'est comme ça, dans mes prières, que Seigneur, moi si tu m'envoyais un frère avec lequel on peut. Tenir, mais vraiment, il m'a pensé, alors là, il est loin. Alors la pensée, Fabien, c'est quasiment mon frère là-bas. Oui. Mais parler de la parole avec lui, c'était pour moi. Vous savez que c'était impossible. C'était pas impossible. Parce que quand Fabien m'a connu, j'étais dans les demeures, c'est un peu, vous pouvez le témoigner. Mais j'étais alors là, vraiment, pour la pudeur, j'étais vraiment 100% pudeur. Pour moi, et ils avaient tendance à me piéger souvent avec un autre ami, qui était là souvent. Viens voir comme s'il y a quelque chose d'important. Quand tu viens voir, c'est parfois une femme, c'est ici, là-bas. Allez, moi j'ai prié. Après, c'est moque de toi bien rire, voilà. C'est vraiment rigolo. Là. Justement. Et quand on est au ciel ici. Voilà. Et après ça, et puis souvent, quand tu reçois des émotions, et après, je suis quasiment rentré dans ce monde-là. Dans le monde aussi. Voilà, et on dit, ok, voilà les questions. On a dit qu'il fallait nous retrouver ici, quoi. Justement. Voilà, et c'est lorsque je suis rentré dans ce monde, je m'étais complètement retiré. J'avais dit, si Dieu vraiment lui-même, il va venir me chercher là-bas. Voilà, et c'est pas maintenant, c'est dans ces temps-là, maintenant, je prie, Seigneur. Comment il faut moi, voyez quelqu'un, le problème c'est pas quelqu'un avec qui je ne peux pas penser, même qu'on parle, je veux de la forme, même pour lui parler de la parole. Oui. Voilà, donc si on devait chercher des conseils, peut-être si on cherchait des conseils plus ou moins humains, des conseils, des trucs logiques. Oui. Peut-être que tu as fait ceci, bon, pense comme ça, fais comme ça. Mais pas la parole. Pas la parole. Mmh. Bon, c'est un jour, il arrive à la maison, voilà. Je n'ai pas mis une vidéo particulièrement pour lui. Bon, lui-même, même une fois, il me voit, ah, tiens, un truc de Dieu, là. C'est bien mon petit, c'est bien. Il a ma mère dit, ah oui, mon ami, voilà. Dans ce cas-là, est-ce que tu connais bien Bamba Iba aussi? Non, il ne le connaît pas encore, mais c'est là où il va venir même devant. Découvrir. Parce que là, il dit, c'est moi, je suis retourné à Dieu. Ah, c'est bien, on peut dire, tu as compris que. C'est Dieu là. Voilà, et c'est finalement quelques jours plus tard où il tombe sur la vidéo qu'on avait parlé, où tu as fait le montage en question. Le montage, répentez-vous. Voilà, répentez-vous là. Donc, quand il tombe sur la vidéo en question, oui. 16 minutes. Donc, quand il tombe sur la vidéo en question, il prend, boum, il part chez lui. Oui. Il a écouté, réécouté cette vidéo. Oui. En moi. Lorsque j'ai écouté les messages, quand je suis arrivé sur la vidéo, moi ça m'a fait l'effet, Joe, laisse la parole. Oui. Moi c'est plutôt l'effet que ça m'a fait, même si bon, mais toi tu as encore des sujets de vidéo là, mais la Bible devait dire que non, c'est voilà quoi, ce n'est pas à nous. Oui. Donc moi c'est plus moi dans ce temps que j'ai commencé maintenant à voir la chose, mais en même temps tu vois ça comme ça que laisse, mais alors côté, mais je connais déjà, je peux pas, je fais comment, tu as fait les yeux ça. Donc du coup avec les. Parce qu'avec le parcours des nationales qu'on a, que moi j'ai eu, donc la façon de comprendre, moi je suis devenu plus lent à comprendre que quelqu'un comme lui. Et en plus, d'avoir dans la vie, c'est quelqu'un de pragmatique. Alors moi je suis plus théorique, voilà, et toutes ces choses-là. Donc du coup, c'est comme ça, donc moi quand je tombe sur la vidéo, j'ai déjà écouté d'abord une fois, mais quand lui vient d'écouter, ça suscite beaucoup de questions. Et là il vient maintenant m'assailler avec les questions. Je comprends que le fond en réalité, il a vraiment saisi et la chose du travail. Oui. Bien, maintenant, il semble comme demander, mais moi, je suis plus ou moins perdu. Oui. Mais dans la fin, c'est donc comme. Tu es la mauvaise personne à qui il doit demander. Il doit demander. C'est toi-même qui cherches la solution. La solution. Oui. Bien. Du coup, mais moi, dans ma tête, je suis content de dire, ah bon, c'est quelqu'un qui lui l'est, pour m'attirer, dans la façon de comprendre, on ne sera pas pareil. Parce que c'est comme lui dit là. Oui. Il y avait toujours un décalage entre le monde. Lui, était plus, il a dit, comprend ça, les faits sur place. Mais moi, tu tournes à gauche, tu tournes à droite, est-ce que... Réfléchis, oui. Voilà, donc moi je suis plus ou moins comme ça là. Donc quand il tombe sur la vidéo, dans son pragmatisme, il part, il médite sur la vidéo. Comme il vient, il trouve une nouvelle chose, il me dit non, mais on l'a dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à cette manière. Donc à chaque fois, quand il pose la question, chose. Voilà. Ça ne fait que sur le tas, il me crée encore plus de problèmes. Voilà, à un même niveau, tellement il me fait me rabâcher sur cette vidéo, j'avais voulu dire, Bon, sinon, parce qu'il m'avait posé une question. À cette époque-là, moi, je voyais les jeux de PMU, là. Jeux de hasard. Voilà, de football. Mmh. Voilà, les paris sportifs. Oui. Voilà, à cette époque-là, je jouais ces jeux-là. Mmh. Mais moi, quand j'étais en train de faire du message, je m'étais comme retiré de cela. Mmh. Avec ça, et puis, il m'avait dit qu'il ne voulait plus toucher. Mmh. Voilà, donc je me retiens. Pour moi, je me lance là. C'est une chose les plus évidentes. Je ne dois plus donc m'en approcher. Mais il m'avait posé une question. Oui. Il m'avait dit. Parce qu'en écoutant, moi, comment ça me fait, je me suis dit non, en tout cas, quand je vais m'appeler, on m'a appelé. Moi, il m'a posé la question. Bon, maintenant, là, si je te donne le gain là maintenant, oui. Que non, va jouer encore. À ton PMU là. À ton PMU. Est-ce que tu vas aller oui. Dans mon cœur, c'est clairement non. Oui. Mais si. Non, alors, tu sais ce que j'ai écouté. Dans son cœur, c'est oui. Oui. Non, d'abord que c'est non. Pourquoi oui. Tu dis oui. Mais je pars. Voilà. Sinon, je pars. Mais dans son cœur, c'est pas ça. Mais c'est pas ça, justement. Donc, du coup, il m'a posé la question. Je ne sais pas comment ça m'a fait, mais dans mon cas, même si je me trouve devant comme ça, là, donner encore le gain, en fait, je n'aurai que ta voix à l'esprit et la parole qui me connaît, à ceux qui en a beaucoup donné, pas beaucoup à redemander. Oui. Mais c'est plus dans ce piège-là. Mais en fait, encore à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, beaucoup de choses qui. Que ça te choque. Voilà. Ça te choque pour moi. Non, mais si tu as c'est la parole, bon, du coup, on tournait là. Mmh. Donc, à ce stade, à ce niveau-là, j'étais quasiment prêt à laisser comme ça là. Quand il me remonte le message, et il l'a dit d'une façon, je ne sais pas, après ça veut dire, non, je vais partir jouer. Parce que le temps, j'ai dit, je vais repartir jouer. Mmh. Après, tu as retourné. Mais là, il relit la chose. Oui. Quand il relit, l'autre me dit, mais tu es con. Tu es concerné par ce verset. Mmh. Oh non, mais comment je suis concerné par le verset. Il y a tous ceux qui l'ont reçu, ont tourné sur ça. Et ça nous a fait l'objet de beaucoup de réflexions là, tourner. Mmh. Chemin faisant, on est quitté plus ou moins de ce message-là. Il a commencé à prendre les messages et écouter aussi. Moi j'écoutais, bon, on se voit maintenant un peu pour ne pas faire le point. Après, non, j'écoute de ton côté, j'écoute de mon côté, on va avancer comme ça. Donc c'était plus ou moins comme ça là. Donc, mais petit, Dieu travaille à l'intérieur de vous. Voilà, à l'intérieur de nous. Mmh. Donc, du coup, mais dans ma façon d'être, elle est plus ou moins, je suis plus ou moins comme renfermé. Mmh. Voilà, je suis plus ou moins vraiment renfermé dans ma personne, dans tout. Mmh. Parce que c'était plus ou moins comme j'étais. Mais lui, par contre, s'il avait fait quelque chose, automatiquement, d'abord, avant même d'abord même cela, il était déjà comme ça. Oui. Voilà. S'il a un projet, automatiquement il veut me. Ça passe. Voilà, il vient me voir. S'il y a un besoin, automatiquement, il doit me dire. Il y a des choses, moi je me demande comment lui il arrive à faire ça. C'est mon ami, c'est mon frère. Mais il y a des choses que je n'arrive pas à lui exprimer. Mais comment lui il arrive à exprimer surtout. Donc, pire encore, sur les études d'appareil, il était assaillé avec les questions. Oui. Mais moi j'avais seulement dit une chose. Parce que moi, la chose qui m'a pensé, c'est uniquement sur le témoin que j'avais écouté. Et pour moi, je voyais que moi, je suis chaos. Donc là, quand il parlait, moi, je demandais moi si petit procédé, on n'est pas pareil. Donc moi, ma pensée, c'était, moi, cette personne n'est pas pareil. Bon, il essaie de me montrer que non, moi, c'est pas comme ça. Tu sais, en gênant, moi, je suis posé, on n'est pas pareil. Moi, il faut qu'on m'enlève. Voilà, toi, tu n'as pas de preuve que tu es certainement possédé, tu as péché, pour que tu es repentant, c'est bon. Moi, même si je me répands, tu ne vas pas dire qu'il part comme ça, on se dit, on s'équipe, ton ami, c'est bon. Non, moi, c'était, je suis calé là. On dit, non, c'est pas comme ça, mon ami, c'est pas comme ça, mais tu vas, genre, rester comme ça. Donc, c'est comme ça, on s'est lancé plus ou moins dans avant de penser dans les recherches, c'est encore même lui. Oui. Qui prend encore l'initiative. Je n'ai pas quelque chose. Oui. Quand tu poses la question de savoir qu'est-ce qui, dans la parole là, vous active vraiment. Vous active. En écoutant l'enseignement, qu'est-ce qui vous retient vous restez, alors qu'on ne voit pas le visage, comme c'est pas une vidéo intéressante, comme une image qu'on voit. Mais c'est la vérité qui sort. La vérité qui sort. La vérité qui sort, pourquoi? Parce que. Moi je dis que, regarde là j'ai sorti la fiche là, oui. Le combat contre les princes de ce monde, hein, oui. Le combat contre le prince de ce monde des ténèbres est engagé. Cette vidéo là, j'ai l'écouté plus de 7 fois. Oui, c'est le titre de la vidéo là. La vidéo là. Oui. Et en l'écoutant, chaque fois que je l'écoutais, j'ai découvert encore quelque chose de pertinent. Et là, la parole est claire. Mais quand tout se résume ici là, parce que moi quand on cherchait la face du Seigneur, chercher la face du Seigneur, jusqu'à ce qu'il se révèle à vous, à moi. Donc, quand tu dis, c'est la vie de sainteté, hein, oui. Tu dis, c'est la vie de sainteté, de pureté, de cœur, hein, qui pousse la nuée de Dieu de vous couvrir. Mm-hmm. Ça, c'est la réalité. C'est-à-dire que si tu es saint, oui. La nuée de Dieu te couvre. Et ça ne s'enseigne pas. Oui. On n'enseigne ça nulle part. On n'enseigne pas. Justement. On va vous dire, tu es la tête et non la tête. Mm-hmm. Mais ça. Et malgré que tu acceptes ça, tu n'es pas la tête quand même. Non, tu n'es pas. Mm-hmm. Mais si il faut comprendre que c'est la sainteté. Mm-hmm. C'est la sainteté qui va pousser le Seigneur vers toi. Oui. C'est ta vie de sainteté qui va. Ta vie de pureté qui va pousser le Seigneur vers toi. Il faut comprendre qu'il faut que je m'arrête un peu. Oui. Au moins être saint. Oui. Et que le Seigneur nous couvre de sa nuit. Oui. Ça c'est important, ça ne s'enseigne pas. Et ça c'est la vérité. Mmh. Les gens vont te juger. Et de ce point, là, quand tu as tes enseignements là, tu prends. Moi j'ai quoi? J'écoute. Oui. Sans rien du tout. Oui. Et puis après, je viens, j'écoute, je prends maintenant les versets bibliques. Oui. Après, je repars écouter pour examiner les versets bibliques là. Avec ce qui est dit. Avec ce qui est dit dans ma vie. Oui. Je suis dans la vérité, j'ai que mes yeux pour comprendre que. Bon, on était dans les mauvaises voies. Ouais. C'est la parole de la vérité qui nous capture comme ça. Ouais. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Mais d'autres personnes écoutent, ils disent Bamba Iba, Kona. Non, mais c'est normalement. Quand les gens ont des oreilles, hein, ils n'entendront pas la vérité. Mmh. Ils ont la vue, ils ne verront pas que c'est ça la vérité. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est que quand l'ancien m'a corrigé, quand l'ancien m'a prédestiné. Oui. Quand tu n'es pas prédestiné, tu viens insulter. Oui. Parce que le message là, le Seigneur n'a pas permis que tu puisses le comprendre. Oui. Hein? Nous qui avons fait plusieurs trajectoires là, oui. Quand on arrive là pour dire que, mais la vie de pureté, le sainteté, c'est ce qui pousse le Dieu à se révéler à toi. Oui. Donc tu t'arrêtes, tu dis, mais maintenant Dieu, je fais comment? Comment je fais cette sainteté là? Oui. Je fais comment pour la retrouver pour que le Seigneur arrive vers moi. Et il y a les enseignements donc pour il y a les enseignements. Et les enseignements sont là. C'est pas le bloc. Mmh. Non. Les enseignements sont là. Mmh. Et la Bible, elle est là. C'est la Bible que tout le monde a. Il avait la possibilité de vérifier. Mmh. C'est tout. Amen. Et pourquoi tu n'as pas dit de faire? Tu dis, Frère Fabien, c'est une grâce. Que les gens comprennent, mais qu'ils ne comprennent pas. C'est leur problème parce qu'en plus, c'est individuel. Mmh. C'est individuel. C'est ça. Donc, c'était pour. Montrer parce que la question m'a réveillé quand tu dis, mais qu'est-ce qui nous captive dans ça? Parce que je suis étonné. En parlant de vérité. Après, tu as peur. Parle de vérité. Mon côté, quoi. Bamba, c'est comme, je veux dire. C'est comme un témoignage pour moi. Oui. C'est ce que je veux dire là. Oui. C'est comme un témoignage pour moi. Oui. Pourquoi? Parce que quand moi, je suis né, comme le préfet Badi, sa famille était catholique. Oui. Moi aussi, ma famille était catholique. C'est-à-dire quand tu es né, on t'a mis à l'église, t'as crève la main, oui. Là. Après, quand tu grandis dans cette habitude. Voilà, quand on vous laisse un peu, on vous dit, allez-y, voilà, 100 francs, quand vous sortez de l'église, achetez les bonbons, les biscuits, et revenez. Oui. En fait, tu vas grandir avec cette philosophie-là. Oui. Mais il y a une chose vraiment, quand j'écoutais l'enseignement, oui. C'est vrai que ça c'était déjà au milieu. Plus j'écoutais, plus j'écoutais. C'est quand tu dis, vous êtes prédestiné, vous avez été élu. Oui. Pour moi, c'est un témoignage. Oui. Parce que moi, après les catholiques là, oui. Quand les parents ont appris de m'amener là-bas, oui. J'avais seulement un seul réflexe. Oui. Et dit comme c'est la fin d'année, oui. C'est le 25, la nouvelle an, il oui. Faut qu'on aille à l'église. Peut-être que je vais te voir. Oui. Tu vas bénir la nuit. Oui. Quand tu pars, tu arrives à l'église, tu dors. C'est un quelqu'un qui t'a touché. Mon petit, la messe est finie les minuit. Tu fais comment? Donc du coup, tu te lèves aussi, tu vas à la maison comme les autres. Oui. Tu vas chaîner tous les petits ruelles là pour dire on va à la maison dans le noir. Oui. Tu vas arriver, les gens vont chanter bonne année. Tu fais aussi. C'est comme ça. Mais après, il ne partait plus. Oui. Mais il y a quelque chose qui est resté en toi, c'est le style de prière. Mm-hmm. Notre Père, qui est précieux. Je te demande à sanctifier. Mm-hmm. Parce que tu n'as connu que ça. On a fait réciter ça. Donc tu vas continuer dans ça. Mm-hmm. Mais il y a une chose, c'est quoi? Moi, c'est un témoignage pourquoi? Parce que. Là, tu as fait un bécile de là hier pour le petit là, quand tu as dit jeune homme, je vais ta jeunesse. Ecclésiaste 2. Voilà, mais à la fin, il sera jugé. Mm-hmm. Frère Junior, frère Fébé, pour moi, c'est grave. Mm-hmm. Parce que quand moi j'ai grandi, j'ai le message encore Dieu pour ça, j'ai le rendre aujourd'hui pour ça. Mm-hmm. Parce qu'avant, je n'avais pas l'importance mm-hmm. et l'impact de ça. Mm-hmm. Je suis un homme qui aime travailler. Je suis un homme qui ne croise pas les doigts. Mm-hmm. Là tu me vois là, si tu me dis casse-moi le talus, je casse. Mm-hmm. Fais-moi le béton, je fais. Mm-hmm. Fais-moi ça, je fais. Mm-hmm. T'as dit, je ne sais pas sélectionner le machin. Mm-hmm. Et pour manger, il s'agit de pour manger, il fallait travailler. Oui. Si tu vas acheter un sac, il faut travailler. Si tu veux pas, en fait, c'est ça ma logique. Travaille pour manger. Oui. Donc au fait du coup, j'avais une travail de quoi. Mm-hmm. Tu voulais vivre de propre force. Non, en fait, je ne sais pas que je voulais vivre. Mm-hmm. En fait, j'avais cette capacité-là oui. que Dieu m'a donnée. Et tu peux faire tout avec ton corps. Oui. Tu avec peux faire n'importe quel bucol. En fait, avec n'importe quel job avec ton la corps. Qu'il a donné, avec oui. ta force qu'il a donné. Mm. En fait, je ne peux pas paresser. Oui. T'as dit, si par exemple, on dit, faites ça là. Mm. Donc, dit, non, c'est toujours parce que c'est produit. Moi, j'ai bien, j'ai fait. Oui. J'ai travaillé comme un japonais. Oui. J'ai travaillé beaucoup et pour peu d'argent. Oui. T'as dit, je peux faire un bucol là. Parce que c'est combien? Peut-être 300 000. Oui. Voyez bien, peut-être 200 000. Peut-être 70 000. Oui. En fait, moi, ce n'était pas le montant, le montant qui m'intéressait. Mais oui. moi, c'était le fait d'avoir ton propre achat, tes propres revenus. Pas ton travail. Donc, j'ai grandi avec. Oui. J'ai grandi avec. Alors, c'était un âge. Dès la seconde, oui. j'ai commencé à faire tout seul. Oui. Si tu veux le sac, c'est un tabricole. Si tu veux la chaussure, c'est un tabricole. Oui. Si tu veux tout, c'était du tout. Comme arrivé à un niveau où j'avais plus de 6 peu de chaussures l'année scolaire. Il y avait 6 jours d'année scolaire. Et j'avais acheté par toi-même. Par moi-même. C'est-à-dire j'avais une paire de chaussures lundi, une paire mardi, oui. une paire mercredi. Mais quand j'arrive à l'école, on t'en dit. Oui. On ne sait pas que c'est toi voilà, qui t'en dit. C'est pas tes parents qui achètent. Voilà. Oh, c'était moi-même. Mm-hmm. Tu m'as un peu quoi. On t'en dit tellement quoi. Oh, tu as une paire de chaussures hier. Mm-hmm. Tu as une autre aujourd'hui. Tu as beaucoup. Hein. Mm-hmm. Tu vois. En fait, c'est dans cette optique-là. Mm-hmm. En fait, tu as dit, mais il y avait une chose. Mm-hmm. C'est que l'homme cherche Dieu comme un adulte, sans le savoir. Mm-hmm. Sans vraiment le savoir. Mm-hmm. Quand tu quittes le matin, quand tu vas à l'école, tu es dans un taxi bus, tu as un trajet à faire. Tu quittes Libreville, tu étais là-bas. Oui. Pour aller venir à prendre l'eau. Tu manies pour tout ce parcours-là. Oui. Pour en arriver là. Pour moi, c'est mon témoignage. Donc, quand tu as la voiture, tu dis Seigneur, protège-moi. Tu as dit Seigneur, protège-moi. Oui. Où je m'en vais là. Seigneur, bénis cette journée. Oui. Ce n'est pas en sorte que cette journée soit meilleure par rapport à celle d'hier. Oui. Tu vois, tu pries. Mais et à un moment donné, quand tu arrives encore à la maison, notre père qui est au ciel. En fait, tu mélanges les prières, mais tu n'es pas plus là-bas. Oui. Mais tu as quand même l'esprit qui était resté dans l'église catholique. Oui. Alors j'ai grandi comme ça. J'ai dit, c'est moi-même. Quand les vacances arrivent, moi-même j'ai fait. Mm-hmm. Le lendemain, il peut te dire, moi je n'ai pas à l'école au matin. Oui. On se tape à 13h. Quand il est 13h de l'école, j'arrive à mettre la tenue, je prends ma brouette, je prends ma pelle, ma pioche, je casse le talus. Mm-hmm. Je casse jusqu'à 17h, 18h. Je viens, je me lave, je prends les cahiers. Mmh. En fait, j'avais encore une particularité avant, c'était quoi? Je pouvais lire un cahier pendant 30 minutes et copier le contenu. Mmh. En 30 minutes, je prends mon cahier, j'ai lu, j'ai copié le contenu, j'ai peint, je dors. Dans le matin, c'est la même chose. Donc, après, il n'y avait pas dit comme je suis pas à l'école, je vais faire des petits jobs, non, je faisais tout depuis le lycée. Mmh. Donc, j'ai grandi comme ça. Mais, et quand je suis allé à l'école, tu dis, Seigneur, protège-moi, Seigneur, protège-moi. Parce que je dis, c'est parce que l'homme est ingrat. Oui. Enfin, je veux dire que j'ai été ingrat à un niveau, oui. mais sans le savoir. Mais Dieu le protégeait effectivement. Et Dieu me protégeait. J'ai fait le parcours là pendant 3 ans. Oui. Libreville au Bendo. Oui. J'ai fait la mort trois fois. Oui. Et si la voiture me tamponnait, c'était catastrophique. Oui. À la montée de le pont du Seine, il y a un qui va au 12. Oui. Il y a un qui va avant de tenir là-bas. Mais ceux qui vont au 12 là. Quand tu es jeune, tu les quittes aux oreilles. Oui. Je vous assure, je ne savais pas d'où venait cette voiture-là. Mais on appelle ça comment? C'est le transport des gruniers là. L'autre camion là. Les gruniers, voilà, on appelle ça grunier, non? Oui. La tête du grunier oui. était déchargée. Tu sais qui porte les conteneurs là oui. était déchargée. Oui. Je descends à peine du taxi bus parce que je voulais un peu profiter. Oui. Si je monte sur l'échangeur, je paye 300. C'est le sens, avant l'échanger, il fait 200. Oui. Alors je profite à faire 1 km à pied pour arriver où j'ai pris le taxi, pour arriver chez moi. Oui. Je n'ai que 100 km dans la poche. Donc je vais payer 200 là, oui. j'ai fait 1 km à pied, avec pas un taxi qui est venu chez moi. Oui. Je vous dis, je ne sais pas. Allez, je descends de la voiture, je me quitte aux oreilles. Même un fou ne peut pas faire ça. C'est-à-dire que traverser la route, sans regarder à gauche et à droite. Oui. Mais quand moi je mets le pied, je voulais traverser la route. Oui. Frère Foubert, Frère Junior, oui. je ne sais pas devenir cette voiture-là. Oui. Et c'est une voiture qui me dit quitte en route, oui. viens, regarde derrière toi. Oui. quelqu'un derrière moi, la voiture déjà là. Oui. C'est vous imaginez quand il est là, c'est mal la tête là. Oui. Il fait seulement wouh. T'as dit, le camion fumé n'a pas de bois derrière. Il n'a pas. Quand c'est court. C'est juste la tête. Oui. Mais moi, je suis juste, t'as dit, c'est un pied. Oui. Limite dans le trottoir. Mais quand la route est vraiment resserrée, oui. Elle est vraiment serrée. Oui. Tu as vu les traversées. Et si c'est cogné là-bas, il partait, c'est bon. T'as dit, si me cogné là, c'était la mort sur place. Et là, tu as les choses à l'oreille. Je le quitte aux oreilles. Oui. Mais j'ai d'abord regardé à gauche, t'as dit, j'ai regardé d'abord la direction de venir les voitures. Oui. En fait, ça sens unique. Oui. Quand j'ai gardé avec personne. Oui. Mais quand je mets le pied, oui. Quelqu'un me dit, c'est moi, regarde derrière toi. Oui. Résultat, en coup de, quand j'ai le coup de, la voiture est déjà là. Oui. Et quand j'enlève tout le corps de la route, c'est ouh. Il ne s'est même pas arrêté. Oui. Il n'est pas klaxonné pour dire, mais toi, je sais comment. Oui. Il est parti. Oui. Il y avait un qui était là qui m'a vraiment regardé bizarrement, lundi matin. Et tu as eu la chance, hein? Oui. Tu voulais mourir ou quoi? Donc, là, c'était le parcours de ces trois ans-là. C'est-à-dire, oui. Tu n'es pas au courant. Oui. Toi, tu es dans ton monde, tu écoutes la musique mondaine et ton seul consort. La deuxième fois, je quitte la maison encore, le même trajet là. Oui. Au pont Nomba, où tu dis c'est là où lui s'arrête. Oui. Tu as vu, il y avait une plaque juste en haut. Oui. Juste la plaque là. Le chauffeur n'a pas vu le chauffeur n'a pas vu le fou sortir de là. Oui. T'as dit c'est tu vois, tu vois un fou, c'est de nulle part, avec un fer de construction en main. Oui. Les fers de 8 là, pas de 10, pas de 8 là. Long comme ça. Long comme ça. Là, ça met qu'il est en train de traverser la route. Oui. Le chauffeur n'a pas vu venir. Oui. Subitement le chauffeur freine. Et quand il freine, c'est-à-dire qu'il n'a pas mis les phares, il n'a pas changé le signal de pour dire il y a quelque chose qui est devant moi, il veut m'arrêter. Oui. Subitement c'est arrêt. Quand il s'arrête là, qui est derrière moi, les camions de sable. Oui. C'est-à-dire ma voiture là, oui. Je suis assis à la banquette arrière, parce que ce sont les longues places, oui. Les 19 places. Oui. Je suis assis tu es dans la voiture qui est derrière. Je suis dans la voiture, je ne suis pas la voiture, mais je ne suis pas freiné. Oui. Maintenant derrière moi, il y a un camion de sable qui vient. Oui. T'as dit comme ça basse l'heure qu'il y a pour le livre de sable. Oui. Peut-être sûrement après le chargement. Oui. Mais lui s'il vient vive à lui. Oui. Et moi je suis assis à la banquette arrière. T'as dit s'il y a un choc. Il t'appuie là-bas. C'est la première partie. Oui. Mais qu'est-ce que le gars fait? Le gars a dévié la trajectoire. Oui. Et quand il dit la trajectoire, t'as seulement. On va être là en train de freiner. Il a une traversée même. Le boudon noir si. Voilà, il a une traversée même. Tu vois, il y a deux voies. Oui. Il y a une voie, c'est une voie, il traverse pour le chelo. Oui. Il traverse la route. Oui. Et quand on se tourne, on se rend compte que c'est le gars là nous tamponné là. Oui. Il défait la mort sur le champ. Oui. La troisième fois, j'ai fait la mort sur cette scène croisée là. Là, j'étais avec ma. C'est ma femme là. Oui. En fait, c'était vraiment chamaillé. Oui. En fait, c'était. Après, elle a vraiment l'esprit, c'était une fille. Oui. Mais elle était, quand on n'est pas avec les moyens, c'était pas à cause des parents, mais elle était vraiment saine. Elle avait un esprit en elle d'autorité. Oui. Elle avait tout quand j'ai dit A, c'est A. Oui. Quand je me suis fâché, je me suis fâché. Oui. Bon, maintenant, tu as des amis qui disent que quand tu donnes une tête, tu me disais ça à un ami, tu dis, mais écoute, c'est la femme. Oui. Elle est comme un bébé, il faut que tu la cages, le consoles, voilà comme ça. On s'est chamaillé quelques jours avant. Oui. Très génial. On se retrouve au feu rouge. On se retrouve au feu rouge, on prend les voitures pour se rendre à l'école. Quand je monte, j'étais assis vers la banquette arrière, c'est-à-dire une place avant la banquette arrière. Oui. Mais je suis arrivé avant, elle est en taxi bus. Oui. Mais quand elle arrive, oui. Qu'est-ce qu'elle fait? Comment est-ce qu'elle mentionne les problèmes? Oui. Elle va me dire que ça sort plus de moi. Oui. Elle va dire que ça sort plus loin que moi. Ça devait vraiment pour qu'on puisse la toucher bien, pour qu'on puisse la discuter. Oui. Et en cas de quand on appelle, c'est deux poteaux, non? Deux poteaux, quand on fait la c'est deux poteaux, non? Après le 5. Deux poteaux, après le 5. C'est deux poteaux, non? On tombe des mains là-bas. On roule. Arrive à ce carrefour. C'est pas carrefour, hein? Oui. C'est en quartier, on appelle deux poteaux. Oui. Là encore. Oui. Je trouve encore une mauvaise manœuvre. Oui. Là, on peut là aussi pouvoir passer. Oui. Je pense que deux jours avant, trois jours après, elle et moi s'est réconciliée. C'est-à-dire qu'on a un problème. Oui. Puis elle m'a dit ceci. Oui. Il y avait deux esprits dans la voiture qui ne s'entendaient pas. C'est pour qu'ils ont voulu mourir. Oui. C'est qui m'a dit ça. Oui. elle s'est mise à rire. En fait, c'était parce qu'elle on s'est chamaillé. Mm-hmm. On voit ce qui s'est passé. Dieu nous a venu punir comme ça. Mm-hmm. Et moi, il faut ça comme ça. Dit, bon, ok. Mais frère Junior, donc en somme, même sans que tu ne connaisses pas Dieu, sa main est de suite à vie. Et puis il y a su ma vie. Mm-hmm. Mais là, je veux continuer le témoignage. J'arrive, c'est comme ça, tous ceux qui sont de Dieu, même dans le mal, même dans le péché, même dans ta vie mondaine, tu sais que tu n'es pas censé être là. Il t'amène petit à petit. Sa grâce est avec toi pour te montrer que tu ne dois pas être là-bas. Il veille sur toi. Ouais. Ouais. Continue. Donc, là, c'est cette histoire-là. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, là, que ça fait parce que moi, j'ai aimé vraiment cette fille. Oui. Mon frère là, en fait, lui, il était là. Ils sont là. Il était surtout là. À l'école, dans ma propre école. Je ne dis pas que je suis super intelligent. Non. Mais à l'école, j'étais parmi toujours, il y a des temps qui étaient toujours parmi la tête. Mmh. S'il y a 5. Mais tu étais à tête, tu étais en bas. Non, c'est des signes. Non, à la queue. Non, pas la queue. Mmh. Mais s'il y a 5, c'est parmi les 5. S'il y a 3, c'est parmi les 3. S'il y a 2, c'est parmi les 2. Mais s'il y a 1, c'est pas moi. Là, c'est vraiment honnête. Parce que j'ai appris dans des écoles, il y avait des petits qui étaient beaucoup plus fraîches que toi. Voilà. Mais, quand j'ai connu cette fille-là, je l'ai connue, moi étant première. Elle était en seconde. C'est moi en fait qui appelé en fait, je l'ai qui m'a donné très classe dans le temps. C'était sa proteste, c'était sa quantité de classe. Dans les deux prenaient ensemble. Donc moi j'avais pas été le rang visite en sa salle pour dire bon tu es plus nouveau ici là, là on va se comporter, donc je suis tombé sur elle. Je ne sais pas si Dieu se conquérit ou Dieu ne se conquérit pas. Quand j'avais côté, en ce moment sur la prédestination, tout est prédestiné. Et quand je sais que quand la femme qui est réservée à toi, si vous jamais se met un peu, donc moi le cœur, vous allez, tu comptes, tu avais mis les couteaux, les tranchés qu'on sort. Au lycée, j'ai reçu des injures. Dans ma maison, mais ce que tu as vu aujourd'hui là, même la mère que tu as vu là, a insulté cette fille-là. Mais pas devant elle. Oui, mais juste là, tu l'aimais. Pas devant elle pour dire non. Oui, mais justement, je lui ai dit que c'est ma femme. C'est là que j'ai choisi, vous ne pouvez rien faire. Au lycée, quand tu marches, oh non, parmi tous les filles que tu as vu les bagues de pain comme ça pour les récupérer comme femme. Nous sommes là depuis avec toi depuis 3 ans. Tu ne nous vois pas. Donc il y a quelques que tu as vu. En fait, elle dit c'était comme ça. Il y a quelques que tu as vu. Et c'est que ma femme était vraiment belle. Puisqu'elle avait juste un petit corps. Comme le bâton de baguette de pain, quoi. Voilà, baguette de pain, elle était vraiment. C'était comme ça. Non, même toi, tu l'insultes alors. Non. Mais non. Et puis voilà, c'était la réalité. Elle savait que. En fait, elle se sentait un peu maigre. Elle-même, elle était consciente de sa. Voilà, de son corps, elle sentait un peu maigre. Donc, du coup, elle se disait que. Elle était un peu différente de la société. Dans cette société, ça. Donc, du coup, si elle me semble ça, elle fait les choses en cachette. Elle veut que ça soit en public et qu'on se met une très belle femme. Mais ça a eu le temps que mes amis commencent à me dire, mais ta femme elle est vraiment belle. Puisque quand elle veut se cacher, il dit que mets-toi là, tu es ma femme. Ça t'insulte, c'est moi qui ai insulté. Ça m'insulte, c'est vraiment comme ça quoi. Je ne connaissais même pas encore Dieu. Elle est vraiment de manière physique, vraiment marcher comme ça. Elle avait la des petits pincettes, de sa volonté de. Et c'est plus la table des deux hommes quoi, en pensant de couple. Alors, il y a eu dans ma vie. Un déclic, le déclin. C'est-à-dire, quoi, on m'a dit, quand tu es élu, tu es élu. Si tu n'es pas élu, tu ne vas jamais entendre la parole de Dieu. Je gagne le bac. Quand je gagne le bac encore, c'est tellement extraordinaire. C'est que je gagne le bac en 2013. Pour quelle université, les vacances là, il y avait plus de 300 000. Qu'est-ce que c'est quand même? J'avais mis l'argent de côté, elle me soutenait un peu quoi. Voilà, que des concours, que ceci, cela. Un an après, gagne son bac. Moi, je suis en première université. Bon, je me rappelle que ce que j'ai fait vraiment comme formation n'est pas vraiment fiable. Il faut que je n'ai pas fait cette formation-là en France. Mais ce n'est pas. Ce n'est pas du jour au lendemain. Non. Elle est prise parce qu'elle aussi, elle va faire ses papiers. Il dit que moi. Il va faire ses papiers pour aller en France. Alors je m'engage à faire les papiers pour aller en France avec elle. Je parle devant Dieu. Je n'ai pas un seul rang. Je n'ai pas un compte bancaire. Mais j'ai une bourse qui passe chaque fin du mois. Alors j'engage les procédures. Elle engage. Mais quand tu engages les procédures la France, il y avait un comportement. De toute façon, après, elle pose la question. Oui. Là où elle se trouve en France maintenant. Oui. Si elle t'appelle, elle te dit qu'elle revient, qu'est-ce que tu fais? Tu seras le plus heureux. Le plus heureux parce que c'est moi, en fait, toujours. Oui. Ouais. Tu n'as plus me connaître au Cameroun, quoi. Non, non, mais pas du tout. Mais plus que je cherche la parole, plus que je peux plutôt fuir. Maintenant, il vient maintenant, elle dit maintenant que si tu veux aller avec moi, avec le frère junior là, je veux plus tes enseignements là, il dira. Non, non, non, c'est impossible. Tu vas faire comment donc alors? C'est impossible, quand tu as soumis l'enseignement, j'ai la mal à quoi. Tu la laisses partir, ta femme. Non, pas laisser passer le temps de terre. Je dis bon, si tu prends ton choix, oui. Si tu fais ton choix, oui. Si elle me demande de quitter la parole, oui. Là, c'est impossible. Oui. Ou le silence. Pourquoi? Si elle témoigne, si elle est conscient, tu vois de quoi je parle. Oui. Alors donc, quand elle fait ces papiers-là, oui. Juste à tiens pour ce comportement envers elle. Oui. Je ne sais pas si elle avait eu des conseils des parents ou pas, mais elle était trop réservée dans ses démarches. Oui. Et moi, j'étais trop couvert. Donc, elle était fermée. Elle ne disait pas ces choses. Elle ne disait pas ces choses. Et toi, tu n'as pas de conseils. Tu disais à tout le monde. À tout le monde. Papier pour aller en France. Voilà. Donc, du coup, il y a une partie qu'on défend en commun. Oui. C'est-à-dire les mêmes procédures qu'on devait faire. Oui. Quand elle part, elle a des renseignements, elle ne me dit pas. Oui. Et quand moi, j'ai des renseignements, j'ai dit, j'étais là-bas, j'ai fait tes renseignements, voilà, voilà, voilà. Oui. Oh, là, c'est le document, un document qui est un peu difficile à obtenir. Oui. Je l'informe aussi tôt pour dire, un document qui est difficile à obtenir. Mais elle, quand elle faisait ces choses, elle ne me disait pas. Oui. Et quand elle a fait le coup qu'elle a fait, on n'a pas dit, elle m'a dit, non, j'ai oublié. Parce que je pense que j'ai des informations. Oui. Donc c'est le comportement qu'elle avait oui. Avant que le voyage. Oui. Mes frères, c'était le début de mes malheurs. Courage d'accord. Parce que là vraiment, j'ai dit... Peut-être si elle restait ici, tu ne devais pas connaître le Seigneur Jésus. Ouais, peut-être aussi. Parce qu'elle t'a laissé dans le malaise, ça a permis que tu médites et que tu restes dans la chambre pour que Jésus vienne te trouver. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc toute chose pour vous, oui, bien, le Seigneur qui aime Dieu. Dieu. En fait vraiment, c'était au début de mes malheurs. En fait, c'est au fait, avant, tu peux venir me dire mon petit, le vampire existe, la sorcellerie existe. J'ai été dit toi aussi non. Ramène tes connus là-bas parce que moi je ne crois pas à ces choses. Quand Dieu a dit A, c'est A. Quand Dieu a dit B, c'est B. J'avais encore ma pensée en tête. Si tu veux manger, travaille. Si tu veux faire ça, travaille. Donc tu avais tous ces maximes là. Qui te permettait de vivre. Voilà. Non, pas tout. J'ai dit, j'avais seulement dans ma tête pour dire, si tu veux manger, travaille. Si tu veux faire ça, travaille. Mais. J'ai vu ça avec mes yeux, ce qu'on appelle la sorcellerie comme ça. Mais si tu me dis, explique comment ça se manifeste, je vais te dire, je ne peux pas t'exprimer. Le voyage, je l'ai gâté. Elle a eu finalement son visa quand tu n'as pas Elle dit. A eu le visa, elle est partie en France. Un mois après, j'ai encore essayé les procédures pour... Bon, un mois après, quand elle est partie, j'ai fait un mois dans l'attente. La demande des visas. Parce qu'il faut payer dans certaines conditions. Oui. Mais dans ma démarche de visa, je n'ai pas les sous. Alors je me mets à jouer au PMU. Là, je ne joue pas, je ne joue pas au football. Je joue au Paris Mutuel. Paris Mutuel de chevaux. Les chevaux. Pour gagner un gros lot. Pour gagner un gros lot en espérant que je parte en France. Ça c'est terrible. J'ai fait tout le mois d'août. Tout le mois d'août. En juin. Avec mes petits comptes que j'avais en banque. Il y avait quelque chose comme 200 000 de bourses qui avaient réservé un peu pour les petits papiers pour pouvoir être à gauche à droite. J'ai commencé à jouer PMUG. Paris Monsieur Lubin. Des chevaux là. Tout le mois d'août, j'avais 4 chevaux par course par jour. C'est-à-dire le mois d'août, c'est-à-dire quand tu as dit aujourd'hui, je mets à la course. Même je m'ai analysé. Je mets à la course et déroule. J'ai l'or. Les 4 premiers chevaux. Mais le 5e cheval, qui doit être l'arrivée, c'est le 6e. Et le 6e, mon 5e sera terminé dans le papier. Lui, c'est le 6e. Et celui qui est le 6e chez moi là, c'était vraiment l'inverse. L'inverse, tout le mois. Ou alors quand je joue, j'aligne le 4e, le 5e dans l'or. Premier, 2e dans l'or. Mais le 3e n'est pas là. Je suis je me les élargis. C'est-à-dire, je mets X, je mets 3 chevaux, je mets 2X. Plus les associés pour dire. Si ça tombe là, si ça tombe là, on va seulement remplacer. Oui. Donc ça fait 2 fois plus. C'est-à-dire, si on disait peut-être c'était 50 millions la course. Donc si je mets 2X, je suis sur la vente de 50 millions seul. Si on est 10 millions arrivés, tu as 20 millions. Il y a tout ça tout le mois. Tout le mois d'août. Oui. Frère Junior. Le matin, un jour, j'allais dans un kiosque. On les appelait délégué. Il me dit mon petit. Il y avait d'abord un jeune homme, une femme après qui est arrivée. Oui. Il arrive, il me dit mon petit. J'ai pris ton papier là. Si nous mettons le système dans ton papier là, on va gagner. Quand tu suis bien là, tu as fait quelque chose par contre là. Si nous mettons le système de pas là, oui. Tu vas gagner. Oui. Il dit non, ça ne peut pas arriver. Oui. Enlève le système là. Oui. On allume. L'arrivée sur ce ciment, oui. Sur ce système là, j'avais pris dans l'eau, oui. Ça avait payé combien? 500 000. Donc on devait multiplier par deux, j'allais avoir 1 million. Et si j'avais ça, je partais. Que déblocage. Et là, tu cherchais seulement l'argent pour partir. Pour partir. Mmh. Que déblocage. Mmh. Que déblocage. Mais là, c'est plutôt l'argent, l'économie qui t'a mis. Voilà, j'ai multiplié les chances. Mmh. Ça ne fait que partie. Mais ça ne me disait plus rien. Parce que je vois que 200 000 c'était insuffisant. Oui. Voilà enfin. Donc je ne peux plus faire les combinaisons de 10 000. Oui. Je ne fais plus le marché de 500. Oui. Et il fallait me faire le marché de 10 000. Oui. Pour 10 avoir 000. Beaucoup plus de chances. Beaucoup plus de chances. Mais ça ne marchait pas. Oui. Et j'ai vu ce qu'on appelle vraiment avec mes yeux. Oui. Mais je ne peux pas exprimer ça. Je dis, ça c'est la sorcellerie. Déjà, pourquoi les jeunes se livrent au jeu de hasard ici comme ça, en Afrique particulièrement? C'est à cause du manque d'espoir ou bien la soif de gain ou bien le vouloir réussir facilement. Ouais, en fait, on est sûr qu'on peut réussir facilement. Mmh. C'est un fast-food. Mmh. Si tu veux l'argent, rapidement. Tu déposes, tu multiplies, après ça va te rapporter plus. Mmh. Tu veux pourquoi? Mmh. C'était comme ça. C'était vraiment fort, très humain. À la maison, il y a des problèmes. Mmh. Le manque de problème de ses soins. T'as dit, je ne peux pas exprimer. Mmh. Donc, alors, dit, ça a commencé à te faire prendre conscience du fait que tu peux avoir des problèmes spirituels qui sont débloqués. Mais là, mais pas encore. Mais pas encore. Mais pas encore. Mmh. Le voyage en concours. Oui. J'ai encore espoir que je peux y arriver. Mmh. Là, je demande le visa. Mmh. Le visa est refusé. Mmh. C'est le choc. C'est le choc. Mais sur le cas, il dit bon, en tout cas, c'est pas grave. Le voyage est raté, ça va aller. Mmh. La même nuit, j'étais mort. Je dis bien, j'étais mort. Mmh. Il dit que quand j'étais mort, j'étais dans le rêve. Quand tu rêves là, mmh. tu sens que tu es déjà mort. Mmh. Le pied ne bouge plus. Mmh. Ah, mais tu peux bouger le pied dans le rêve. Ça, tu ne peux pas bouger. Mmh. Tu peux bouger la main. Mais tu as l'impression que les gens t'attachent. Les gens t'attachent le cerveau. On peut dire que tu es peut-être balbouti. Tu es attaché. Mmh. Tu es ceci. On peut dire que je ne comprenais pas. Mmh. Mais à l'intérieur du Seigneur, aide-moi. Mmh. Je me réveille. Quand il me réveille pas, un bain. Je prends le bain, je vais me coucher sans problème. Mmh. Et ça a passé de cette nuit-là. J'ai dit, il y a passé cette nuit-là que j'ai commencé à avoir des problèmes spirituels. Mmh. De mauvais rêves que tu peux expliquer. Mmh. Et tu t'as dit, tu t'imagines que tu es dans un vélo. Mmh. Tu pédales, tu pédales, tu pédales, tu pédales. Subitement, tu vois un bois, t'as dit, les troncs d'arbres couché au sol. Oui. Subitement, devant. Subitement. Donc, tu veux esquiver. Après, tu sautes du vélo. Mmh. Tu sautes comme Jacques Chen, voilà. Dans l'air comme ça. Mais dans ta tête, dans le rêve, mmh. tu as l'intention d'atterrir ou te coucher, même t'allonger pour dire j'ai mal. Mmh. Mais quand tu as fait, tu sautes comme un ballon. Mmh. Tout. Tu vois que là-bas, ça fait encore tout. Ça fait encore tout. Mmh. C'est, donc, voilà, c'est ce qui est tremblé dans les rêves. Voilà, tu as dit ça fait comme un ballon quoi. Mmh. Et bien, à un moment donné, c'est comme si tu étais sur un toit, sur des gratte-ciel. Oui. Tu tombes, tu dis pour moi, c'est fini, tu es mort. Mmh. En fait, c'est dans le rêve, mmh. c'est que là, tu es mort. Mmh. Mais quand tu arrives, c'est à base des rebonds et des rebonds et des rebonds. Puis seulement c'est un moment, tu te réveilles subitement. Bon, tu dis, j'étais. Avec un soulagement. J'étais où? Où? Tu vois, en fait, tu es là, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, mais j'étais où? En fait, là, j'étais vraiment des choses vraiment terrifiantes. Oui. À base des mêmes rêves. Oui. À base des mêmes rêves. Oui. À base des mêmes rêves. Il n'y avait pas d'équipe de nuit. Oui. C'est des choses comme ça, t'as dit? Je ne fais pas un rêve même. Tu es dans une glace, c'est-à-dire tu es déjà mort. Oui. Tu es dans une glace. C'est pas que tu avais sur le film de. Bon, je sais pas si tu avais sur ça avant encore, quand je pense que tu es un peu. Mission impossible. Je sais pas si c'était le 12 pour le 3. À la fin, d'après le bandit, il met dans une glace. Il met de l'air à l'intérieur. C'est-à-dire, il t'a dit cela, il ne peut pas sortir. Oui. Il est étouffé. Oui. Il t'a pas haut, il ne peut pas sortir. Oui. Il mais à l'intérieur, ce n'est pas moi. Oui. Tu as vu, c'est l'esprit. Tu le... En fait, t'as dit, moi, j'avais vu. Oui. En fait, tu es comme ce qui bouge. Oui.